Belle journée à tous, à l'écoute de la première. Tout de suite, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Cette semaine, du désordre de la nuit à l'ordre éclairé. L'Odyssée d'une lumière. Je vis que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le pouvoir sur la lumière est exprimé de manière presque caricaturale par Louis XIV, qui en fait une marque de fabrique finalement de son propre règne. Nous n'avions pas encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans causes apparentes. Ces procédés occultes déroutaient l'esprit. Un inventeur américain présente une lampe au mercure qui, sous un volume très réduit, possède une puissance lumineuse jamais égalée. Cette lampe dégage une telle chaleur qu'elle doit être refroidie constamment par un courant d'eau. Lumière sur la ville, c'est la perspective, c'est le prochain documentaire d'Histoire vivante que nous présente désormais chaque semaine Frédéric Pfeiffer, Frédéric Pfeiffer de l'unité des documentaires de la RTS. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean. Alors de quoi s'agit-il ce dimanche ? Eh bien il s'agit d'un sujet que vous connaissez bien, ça, j'en suis sûr, vous avez même fait un spectacle lors de la dernière édition du festival Histoire et Cité à Genève. Il s'agit du documentaire en 54 minutes de la réalisatrice française Agnès Beauvais-Pavie intitulé « Lumière sur la ville ». Et voilà, on y vient à votre spectacle. Elle fait une histoire de la lumière urbaine, une histoire qui démarre au XVIIe siècle dans ce documentaire. Une lumière qui est installée alors dans certaines rues de la ville pour seconder la police dans ses rondes nocturnes, on était à Paris à l'époque. Ce documentaire s'étend sur 4 siècles d'innovations techniques et sur leurs conséquences sur la société. C'est un film qui s'intéresse aussi bien à l'ombre qu'à la lumière et qui cherche à cerner les enjeux de l'éclairage urbain jusqu'à aujourd'hui, donc 4 siècles. Il est vrai qu'au fil des siècles, l'éclairage urbain a façonné le rapport des habitants à la nuit. L'historien Marco Cecchini, dont j'avais lu effectivement un extrait de travail dans le festival Histoire et Cité, rappelait combien l'apparition de la lumière avait transformé les rapports sociaux entre les individus, au-delà du fait de la police. Oui, d'ailleurs, au Moyen-Âge, par exemple, chacun regagnait son foyer à l'appel du couvre-feu. On restait pas dans les rues. C'était extrêmement rare. Ceux qui osaient mettre le nez dehors dans l'obscurité, c'était dangereux. Il faut attendre l'invention de l'éclairage public. On est sous Louis XIV pour que cela change. La lumière devient alors le symbole de la puissance royale. Un éclairage public qui se situe au carrefour de l'ordre voulu par les autorités et du désordre créé par la population noctambule. Et à la lanterne, eh bien, succède l'éclairage au gaz lié à la révolution industrielle. Il permet le travail de nuit en usine et démocratise la vie nocturne, jusqu'à là réservée plutôt à une élite, ceux qui pouvaient se permettre d'avoir une calèche pour les emmener dans les fêtes. Et comme on est dans l'histoire, ça avance avec le progrès. Exactement. Alors, l'invention par Thomas Edison de la première ampoule électrique à la fin du 19e permet ensuite à chacun de profiter de l'éclairage artificiel à son domicile. Un éclairage qui ne semble aujourd'hui tellement normal, et puis aussi l'éclairage public dans les rues électriques. Donc. Vous verrez, dites donc, un documentaire qui retrace, si je vous ai bien suivi, l'histoire de la lumière urbaine et qui remonte donc au XVIIe siècle, rend extrêmement difficile la tâche de trouver des archives. Alors en effet, c'est même une gageure impossible pour parler de cette époque. Mais tant mieux, parce que je trouve d'une certaine manière, la réalisatrice a vraiment eu une très bonne idée. Elle a construit son récit avec une voix off posée sur des séquences de fiction qui remonte au tout début du cinéma muet et puis qui évolue dans l'histoire du cinéma et qui se déroule au fil des années évoquées en fait sur cette histoire de la lumière. Et je trouve que c'est très beau, c'est extrêmement bien fait. Et puis dans les années plus contemporaines, ben là on passe à du documentaire reportage, documentaire plus classique avec des images contemporaines, mais le gros du travail est avec ces images d'époque. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, sachez également qu'il existe un livre dont nous parlerons d'ailleurs avec son auteur que nous recevrons cette semaine au micro d'Histoire vivante. Donc, je rappelle le titre de votre documentaire, choisi par vous, Frédéric Pfeiffer, Lumière sur la ville, un documentaire signé Agnès Beauvais-Pavie. C'est à voir, bien évidemment, sur notre site lesdocs.ch ou encore en direct dimanche prochain dans Histoire vivante sur RTS2 à 21h ou encore sur le play de la RTS sur votre propre ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à voir dès maintenant sur le net. Tonnerre. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Après la fin du passage des rames, on tenait les pouvoirs et les voies mal éclairées par de faibles lueurs intermittentes. Par un certain aménagement, chaque chef se retrouve à la création de la semaine de la Marco Cecchini, vous êtes venu à maintes reprises derrière ce micro. Aussi, je vais peut-être affiner ma demande habituelle, qui consiste, vous le savez, à demander toujours aux gens de se présenter. Je vais vous demander également de vous présenter, mais peut-être en réalisant quelque chose qui pourrait s'apparenter en termes modernes à un selfie, en termes plus anciens à un autoportrait. Si vous deviez esquisser votre autoportrait d'homme, d'historien, comment le construiriez-vous ? Est-ce que vous le construiriez de manière chronologique ? Est-ce que vous le construiriez d'une autre façon, en mettant en avant peut-être certains de vos profils ou certains de vos reliefs ou certains de certaines lumières que vous appréciez ? Enfin, je ne sais pas. Je vous donne comme ça des mots un petit peu éparpillés pour vous laisser le temps d'y penser, mais... À vous de faire votre autoportrait, Marco Cecchini. Je trouve d'ailleurs plus intéressant de le raconter plutôt que de l'imaginer de manière visuelle, sous forme de selfie, puisque en le racontant, on peut y mettre une épaisseur temporelle, un peu d'histoire finalement. Mais c'est une histoire qu'on raconte depuis un point de vue, et c'est aujourd'hui. Donc s'il fallait que je reconstitue un tout petit peu mon parcours, aujourd'hui je dirais que ce qui m'anime depuis maintenant une bonne dizaine d'années, un tout petit peu plus, c'est le rapport de l'individu à l'État. C'est vraiment le fil conducteur de mes réflexions, c'est comment au fil des siècles s'est construit un rapport à l'État avec un pivot temporel, un marqueur temporel extrêmement fort pour moi, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose toute une série de droits, évidemment, mais aussi de jalons sur la manière dont les individus peuvent attendre quelque chose de l'État et de quelle manière ils sont en droit d'attendre ces choses-là de l'État. Voilà, donc c'est vraiment le rapport de l'individu à l'État qui m'anime depuis très longtemps. On peut presque parler, Marco Cecchini, de ma part en tout cas, d'un étonnement, parce que s'il y a bien un pays au monde où l'État sait être également relativement discret, c'est tout de même la Suisse, au regard d'autres pays voisins que l'on peut directement nommer, évidemment l'Italie, évidemment l'Espagne, évidemment la France, où là l'État est des plus importants. Derrière le terme État, il faut sans doute préciser. On sait qu'il y a un État de Genève, mais il n'est évidemment pas comparable à l'État français ou à l'État italien. Donc, de quel État parlez-vous ? Vous avez parfaitement raison. Bon, d'abord, c'est l'État moderne, c'est-à-dire l'État souverain qui monopolise un certain nombre de prérogatives. J'ai l'impression un peu de refaire ici l'histoire à des institutions d'ancien régime, comme on le fait avec des étudiants de première année, hein, mais c'est le monopole, en gros, de la violence physique légitime, c'est-à-dire l'armée, c'est le monopole de la justice, de la monnaie, du fisc, etc. Donc il y a cet État-là qui se construit autour de la souveraineté sur un territoire déterminé, mais il y a aussi l'État pris dans une acception plus large, qui est la puissance publique, les pouvoirs publics. Et là, effectivement, en Suisse, cet État-là, finalement, s'échelonne sur les trois fameux échelons, à la fois au niveau communal, à la fois au niveau cantonal et à la fois au niveau fédéral. Et c'est le cumul de ces trois niveaux qui forme l'État, finalement, tel qu'on le vit au quotidien en Suisse. Donc, je glisse volontiers effectivement d'un niveau à l'autre, pouvoir public, État, ce ne sont pas évidemment des synonymes, mais parfois je les utilise dans une acception qui permet de penser les choses ensemble. Par rapport à la Suisse, vous avez raison, le rapport à l'État jacobin, centralisateur, tel qu'il se pratique ailleurs en Europe, n'est évidemment pas ce qu'on connaît en Suisse, mais finalement les pouvoirs publics ont été très présents dès l'origine finalement des sociétés urbaines en Suisse autour de finalement la République ou les républiques telles qu'on les considérait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire un espace politique où le bien commun était pensé de manière peut-être un peu plus collective que dans les monarchies voisines, dans les États monarchiques voisins. Et donc le rapport en fait à l'État s'est construit finalement de manière beaucoup plus participative pour les... Alors les citoyens, c'était une catégorie de personnes finalement très restreinte hein, dans ces sociétés d'Ancien Régime. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de démocratie, on n'y est pas encore. Mais malgré tout, il y a la construction d'une chose publique qui se fait avec la participation assez large de la société, de la population. Même si c'est encore une portion réduite de la population, c'est une portion relativement large. Ce travail et ce rapport à la relation individu-État s'inscrit dans un travail plus large, plus collectif, avec d'autres collègues ? Oui, il y a une réflexion collective avec des historiens de ma génération, notamment quand nous avons commencé à réfléchir avec des historiens notamment français, mais aussi italiens, par exemple, sur la question de la police, sur la construction de la police à partir des 17-18e siècles. Cette question du rapport à l'État s'est donnée assez immédiatement. C'est-à-dire que la police, c'est quelque chose qui se construit au niveau de la sphère publique avec des tensions très fortes entre les pouvoirs d'une autorité d'une part et d'autre part des populations qui sont dominées mais qui cherchent aussi à s'émanciper peut-être de cette tutelle auquel ils sont soumis. Mais de ce point de vue-là, dans cette même génération d'historiens venant de pays différents, y avait-il selon vous à la fois des zones communes, mais également d'assez nettes différences liées précisément au pays dans lequel chacun d'entre vous à la fois vivait et travaillait. Et quand on parle de police, par exemple, on peut imaginer que l'histoire même d'une police comme la police française ou italienne est peut-être assez sensiblement différente de celle concernant, j'allais dire la Suisse, mais je ferais mieux de dire Genève sans doute. On peut garder, même si ce n'est pas tout à fait équivalent, effectivement, la perspective suisse d'un côté et puis la perspective pays plutôt centralisé d'autre part, comme la France ou l'Italie. Ce qui, effectivement, était intéressant au départ de ces travaux qui ont été conduits à partir des années 2000, en fait, pour les chercheurs francophones notamment, surtout français, il était difficile de travailler sur un double niveau, à la fois sur un niveau de type étatique, et en France ça se traduit pour l'Ancien Régime essentiellement à refaire une histoire de la monarchie, de l'absolutisme, de ses pouvoirs tentaculaires sur la société, de penser et d'articuler cette historiographie-là, cette thématique-là, avec l'idée que la police, finalement, naît sur un terreau essentiellement urbain, qui échappe, à l'origine, à la tutelle de l'État et donc de la monarchie. Chez mes collègues français notamment, c'est quelque chose qui s'est imposé très difficilement et très lentement. L'idée d'articuler, en fait, le niveau de la police urbaine, d'un côté, et le niveau de la police de type étatique qui a été, à vrai dire, le modèle dominant de l'historiographie jusqu'à il y a peu. Jusqu'à, je dirais, il y a 15 ans, on ne pensait pas à l'histoire de la police en dehors de son niveau monarchique, étatique, etc. Et la ville était parfaitement déconsidérée en tant qu'actrice, finalement, de l'émergence de forces de police à part entière entre 17 et 18e siècle. Marco Cecchini, avant l'ouverture de ce micro, je vous ai fait un peu état des thèmes que nous allions aborder. Je vous ai senti un petit peu le sourcil levé, dubitatif, dès lors que je vous ai annoncé que l'on allait parler de vous, de votre façon de travailler, de vos tics ou de vos manies. Alors, commençons peut-être par le commencement. Êtes-vous quelqu'un de maniaque ? Aimez-vous je ne sais pas, l'ordre extrême, les crayons rangés dans un ordre de couleur ou de taille, à vous de choisir, à côté d'une fenêtre, loin d'une fenêtre, au milieu du bruit, dans le silence, etc. Comment aimez-vous travailler ? Alors, pour vous répondre très franchement, par simplement un exemple très concret, j'ai trois bureaux. Et j'ai trois bibliothèques qui sont complètement dispersées. Et donc, c'est vous dire à quel point l'ordre, finalement, c'est un ordre que je reconstruis en permanence entre mes différentes bibliothèques, mes différents bureaux. Et en fait, je navigue dans ces espaces avec finalement un seul outil qui est aujourd'hui l'outil par excellence de l'historien. Finalement, c'est un ordinateur portable. Et c'est la seule chose qui me rattache aujourd'hui à ces différents espaces de travail. Et même quand je donne des cours à l'université, eh bien, ça reste, voilà, l'ordinateur portable qui me sert un petit peu de béquille, aussi parce que il me permet de soutenir ma mémoire, parfois défaillante, parce qu'il garde le secret des archives que j'ai pu consulter. Bref. Finalement, l'ordinateur portable, c'est l'outil qui fait tenir ensemble tous mes projets. Mais au quotidien, je navigue, je circule. J'ai la chance de pouvoir circuler à vélo sans trop de problèmes entre mes différents lieux de travail. Et je crois que, voilà, c'est heureusement qu'il y a cet outil informatique, parce que sinon, je serais passablement perdu. Alors, évidemment, on n'est plus tout à fait autant du manuscrit, puisque je vous ai entendu parler d'ordinateur, mais enfin, si l'on devait essayer d'imaginer les premières lignes manuscrites de Marco Cecchini, ça sous-entend que c'est rempli de ratures, que c'est avec des mots entourés, griffonnés, j'en reviens dessus. Alors, il y a le travail manuscrit ne disparaît pas complètement, je travaille beaucoup avec des notes. J'ai un petit carnet de notes, je note des choses et que je rature effectivement, mais la note manuscrite a cet avantage sur l'ordinateur, c'est que c'est un geste qui est, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus spontané. Je ne suis pas né avec un clavier au bout des doigts, je ne suis pas né non plus avec un crayon au bout des doigts, mais c'est malgré tout un geste qui me paraît plus naturel et donc je suis dans un rapport beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus simple à l'écriture quand je tiens un stylo et que j'écris que quand je pose mes mains sur un clavier d'ordinateur. Vous notez beaucoup d'idées ? Oui, oui. Des idées parfois farfelues, d'autres qui tiennent le coup tout au long des années. Mais noter, fixer par écrit, reprendre, méditer sur des choses qu'on a inscrites quelque part, pour moi ça fait partie de ce travail qu'on évoquait tout à l'heure. Vous parliez, Marco Cecchini, de plusieurs projets en cours. Est-ce que ça suppose que les thèmes en question se rattachent plutôt les uns aux autres ou il s'agit de grands écarts, j'entends de grands écarts de la tête, sachant que vous pourriez passer d'un sujet à l'autre, même si on l'a bien compris, il y a depuis une dizaine d'années un fil rouge. Alors, il y a effectivement ce fil rouge du rapport à l'État. Il y a un autre cadre qui est chronologique. En tout cas, pour l'instant, j'ai une spécialité qui est l'époque moderne. Et plus spécifiquement, je m'intéresse au XVIIIe siècle. Autour du XVIIIe siècle, je m'intéresse aussi au XVIIe et au XIXe siècle. Donc, une thématique très générale, un cadre chronologique. Et puis, alors... à l'intérieur, autour de cette question de l'État, il y a eu pendant longtemps, même si je continue à travailler sur ces thématiques-là, l'histoire de la police, de sa naissance, de sa structuration, l'histoire du rapport de la police et de la justice, deux institutions qui aujourd'hui se font face, mais qui en réalité collaborent, je pense notamment dans le cadre du droit pénal. Il y a quelque chose qui est né de mes réflexions sur la police et la ville, c'est des réflexions sur la sociabilité, c'est-à-dire les manières de vivre ensemble, pour le dire vite, en société, et façon de sortir finalement du noyau de la famille, du noyau de la communauté, du voisinage, aussi des rapports de travail. Sur l'Ancien Régime, le travail n'est pas un lieu anonyme, on se connaît très bien, on se fréquente, l'apprenti vit chez son maître, il y a vraiment une vie organique en fait très très forte. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de la manière dont finalement des espaces de sociabilité, des lieux de rencontre se mettent en place, qui mettent en scène des individus qui, a priori, ne partagent rien en commun, si ce n'est le plaisir de se retrouver, par exemple, pour la lecture, quand c'est le café, ou quand c'est le cabinet littéraire, autour de nouvelles politiques, là aussi, ou littéraires, quand c'est le cercle, le théâtre, le plaisir, évidemment, de la scène théâtrale, etc., etc. Et puis, un dernier chantier qui démarre prochainement, c'est l'expertise psychiatrique, la naissance de l'expertise psychiatrique. Là aussi, hein, on est dans un rapport très tendu, finalement, entre l'individu et les pouvoirs publics. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont un savoir médical a été mis au service ou s'est mis au service du pouvoir judiciaire et de l'administration pour établir des rapports, des expertises qui permettent ou non d'enfermer les individus. Donc c'est ce savoir qui est associé finalement à un pouvoir à partir du XVIIIe siècle. Et là, c'est une étude qui s'étendra alors un petit peu plus loin que mes terres habituelles, puisque ça s'étendra jusqu'au début du XXe siècle. Est-ce que, selon les thèmes, Marco Cecchini, on se met à travailler de façon différente? On sait qu'on travaille des matières différentes. Est-ce que ça modifie la façon de travailler? Fondamentalement, non. C'est-à-dire que, par exemple, ce que l'on demande toujours à nos étudiants et que l'on pratique nous-mêmes, c'est de commencer par une enquête lexicale. Qu'est-ce? Alors voilà, qu'est-ce par exemple que le mot de police? Qu'est-ce que la notion de sociabilité? J'ai parlé de psychiatrie, c'est un terme qui est absolument anachronique pour le XVIIIe siècle et même le premier XIXe siècle. Donc comment dire le savoir médical de la folie? Il y a évidemment l'aliénation, enfin, plutôt le médecin aliéniste, etc. Travailler d'abord sur le vocabulaire, ça c'est finalement quelque chose que l'on fait, quel que soit le thème. Deuxième étape, essentielle aussi, c'est le travail bibliographique, c'est-à-dire, ou historiographique, comme on dit dans le jargon, c'est recueillir la littérature qui compte et qui existe sur le sujet, pour éviter de redire des choses qui ont déjà été dites. Pas réinventer la roue. Non. Et puis aussi parce que l'historiographie a émis des hypothèses, a identifié des fonds d'archives, et ce sont des informations, au-delà évidemment du résultat de l'enquête, mais ce sont des informations qui sont très utiles pour les chercheurs qui succèdent. Et puis ensuite, évidemment, il y a la confrontation à l'archive. Quelles sont les archives à disposition qui permettent de documenter, de construire finalement un objet d'étude? Donc ce travail de base est commun, je dirais, à toutes les thématiques et finalement à toutes les périodes. Marco Cecchini, vous avez parlé à la fois de vos travaux, vous avez également mentionné la notion d'étudiant, ce qui sous-entend que Jekyll et Hyde font pour l'un enseignant et pour l'autre chercheur. Est-ce que l'un nourrit l'autre? Et si oui, de quelle manière? Ah, c'est essentiel. Concrètement, l'enseignant nourrit la matière de ses cours, des recherches les plus actuelles, si ce n'est les siennes, mais au moins les recherches les plus actuelles, et parfois évidemment les siennes propres qu'il peut mobiliser, qu'il peut citer en exemple, et ça donne de la matière. L'université s'est construite, l'université moderne s'est construite sur ces deux piliers que sont l'enseignement et la recherche, et à mon sens c'est extrêmement important de conserver ces deux piliers. Malheureusement, il y a une tendance globale, générale, parfois dans certains lieux, dans certaines institutions, à privilégier la recherche plutôt que l'enseignement. Mais je crois que c'est un très très mauvais calcul. Il faut absolument que les enseignants à l'université fassent de la recherche, alors que malheureusement certains mandats universitaire ne privilégie que l'enseignement, parce que ça permet un petit peu de gagner de l'argent quand on tient les cordons de la bourse de l'université, voilà. Mais il faut absolument que ces deux piliers de l'université soient préservés. Dans la relation enseignant-étudiant, est-ce que l'enseignant que vous êtes se nourrit de certains apports d'étudiants, soit par la fraîcheur de leur regard, de leur questionnement, voire même parfois peut-être de l'innocence de leur questionnement, et dans quelle mesure ce rapport-là est un rapport tout de même équilibré? Alors effectivement, les étudiants sont aussi d'un grand apport pour la recherche, d'une part parce qu'ils ont leur curiosité et que parfois dans leur recherche, même un peu naïve ou un peu simple qu'ils mènent, qu'ils conduisent dans les archives, eh bien ils trouvent des choses que l'on n'a pas vues nous-mêmes. Donc ils nous mettent face à des documents que l'on ne connaît pas. Donc ça c'est un premier apport qui est, en tout cas en tant qu'historien, qui n'est pas négligeable. Ensuite, il y a la question générationnelle, évidemment. Ils arrivent avec les questions de leur génération. Et qui sont les meilleurs. Qui sont les meilleurs, parce que ce sont celles, peut-être, du futur. Et donc, ils nous poussent à réorienter aussi nos réflexions, à travers leur regard, hein, qui est très frais, comme vous disiez, mais qui est aussi propre à une génération. Donc voilà, ce sont, je dirais, ces deux éléments-là qui me paraissent très importants. Et puis ensuite, l'enseignant n'a pas la science infuse, il y a quantité de livres qu'il n'a pas lus, et les étudiants arrivent parfois avec des suggestions de lecture, ils font des liens entre des thématiques qu'ils connaissent par ailleurs, et ça nourrit là encore le chercheur. Mettons de côté cet aspect plaisant, et regardons un tout petit peu les points noirs, les comédons. On dit que l'étudiant aujourd'hui, mais pas seulement l'étudiant en histoire, n'a qu'un but dans la vie, c'est obtenir le maximum de crédit. Autrement dit, qu'il a plutôt tendance à travailler, on va dire, de façon efficace, ou d'interroger de manière efficace, de lire de manière efficace. Autrement dit, quand on dit lire de manière efficace, ça sous-entend, pour ceux qui nous écoutent, ne pas forcément tout lire, mais lire ce qui va servir. Bon, pour prendre la défense des étudiants, je pense qu'il faudrait qu'un étudiant vous réponde. Ce ne serait pas à l'enseignant de dire ce qu'il faudrait faire pour être un bon étudiant ou pas. Mais votre question met le doigt sur un problème qui est plus large et finalement dans lequel les étudiants sont pris malgré eux, et peut-être les enseignants aussi, c'est que la structure des études a changé ces 20 dernières années, et qu'il y a effectivement une pression, une scolarisation très forte de l'université qui pousse et les étudiants et les enseignants à demander ou à produire constamment des petits travaux. Et c'est vrai que la recherche de crédit que vous évoquiez, elle est générée par cette course effrénée au TP, au travail de séminaire, etc., que l'on doit rendre pour chaque semestre, pour chaque enseignement. Ça sous-entend de l'émiettement ? C'est ça qu'il faut entendre ? Ça sous-entend un rapport très peu spontané aux études. Il y a peu de marge aux voies de traverse. Quand j'ai commencé mes études, on nous disait « perdez-vous dans les bibliothèques ». On passerait pour un fou si on disait aujourd'hui aux étudiants de se perdre dans les bibliothèques. Et pourtant, je crois que le vagabondage intellectuel est essentiel, en fait, à la maturation des idées, à l'émergence aussi de questionnements qui sont peut-être en décalage par rapport aux idées plus mainstream. Et c'est dommage, en fait, qu'on pousse à la production académique. Marco Cecchini, on se retrouvera demain pour poursuivre cet entretien. Nous aborderons avec vous notamment l'un des thèmes sur lequel travaillent les historiens et vous-même. On commencera d'abord par vos collègues, le thème de la nuit. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.